Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 26 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition. La Commission Vérité et Réconciliation annonce le début cette année des enquêtes sur la crise de Nega et Marangara en 1988 ainsi que celle de 1993. Vous entendrez les précisions du président de cette commission, Pierre Claver Ndayichariye. Elle s'appelle Marie-Rose Rucorosa. Cette femme crie à l'injustice et accuse l'administration de lui interdire de bâtir un immeuble en étage dans sa parcelle se trouvant au quartier asiatique en mairie de Bujumbura. Vous l'entendrez. Une vingtaine de personnes de la commune Bougabira en province de Kirundo sont incarcérées depuis plus d'une semaine au cachot de cette commune. Ce sont des pêcheurs accusés d'utiliser des filets prohibés dans cette activité. Et le reporter du jour nous emmène en province Bujumbura pour nous décrire l'état des routes là-bas. Et vous aurez aussi droit à une chronique sur les messages de haine au sujet du langage à tenir dans un couple mixte. Nous sommes mercredi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. La commission Vérité et Réconciliation va bientôt commencer cette année les enquêtes sur la crise de Nega et Marangara ainsi que celle de 1993. Pierre Claver Ndayichariye, président de cette commission, indique aussi que la CVR se penchera sur les sept provinces qui restent sur la crise de 1972 et 1973. Annonce faite ce mercredi à Gitega par le président de cette commission dans une rencontre en cours avec ses partenaires constitués par l'administration, les présidents des différentes commissions nationales, les leaders de la société civile et les représentants des partis politiques agréés. On écoute Pierre Claver Ndayichariye. Harinara, tutara koreramo, tutara tozamo. Il y a des provinces qui n'ont pas encore fait objet d'enquête sur les événements tragiques de 1972-73. Il s'agit de Ngozi, Kayanza, Chibitoke, Bubanza, Ruyigi, Cankuzo, Rutana. On a aussi besoin de compléter nos enquêtes à Karusi et Gitega dans certaines communes, un travail que nous avons déjà commencé. Cette année qui vient de commencer, nous allons spécialement identifier et élaborer la liste exhaustive des personnes tuées au cours de différentes crises qu'a traversées le Burundi. Ce sont des crises concernées par notre mandat entre 1885 et 2008. Et c'est un travail à réaliser pendant le premier trimestre de cette année. Troisièmement, nous allons entamer la crise de 1988 que les Burundais et surtout les politiques appellent Nega Marangara. Les informations provisoires déjà à notre disposition montrent que la crise de Nega Marangara a affecté toutes les communes de la province de Kirundo. Si jamais les moyens financiers en provenance de l'État sont disponibles à temps, nous pouvons attaquer la crise burundaise de 1993. Pierre Claver Ndayichariye, président de la commission Vérité et Réconciliation. Une femme dit être en train d'être torturée moralement en lui interdisant de bâtir dans sa parcelle se trouvant au quartier asiatique en mairie de Bujumbura. Cette femme, c'est Marie-Rose Rucorosa. Elle affirme qu'elle a tous les documents exigés lui autorisant d'exploiter cet espace, mais que l'administration la perturbe dans ses travaux de construction qui lui ont déjà coûté près de 5 milliards de francs burundais. L'administrateur communal de Mukaza explique qu'une équipe de techniciens est à l'œuvre pour conclure sur le sort de cette parcelle et d'autres maisons d'à côté. Eline Nibel Nibigira. Marie-Rose Rucorosa souhaitait ériger un hôtel d'Inshimirimana dans sa parcelle 64-64A du quartier asiatique en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. Depuis qu'elle a commencé les travaux de construction, elle dit avoir été découragée par l'administration de Mukaza, même si parfois le ministère de l'Intérieur et la présidence de la République intervenaient. Elle affirme avoir tous les documents exigés. J'ai été autorisée par les autorités, les services concernés. J'ai le titre de propriété de cette parcelle. J'ai aussi l'autorisation de bâtir. Bref, j'ai tous les documents qu'il faut. Mais je vois les policiers, les administratifs zonaux et du quartier suspendre mes travaux. Toutefois, dans la correspondance lui adressée par le ministre en charge de l'urbanisme en décembre dernier, il lui a accordé l'autorisation de poursuivre cette construction compte tenu des correspondances de la régie des eaux, l'UNATEL, BBS et autres. Marie-Rose Lukohoza demande à toute personne animée de bonne foi d'intervenir afin qu'elle puisse continuer ses travaux qui lui ont déjà coûté près de 5 milliards. De plus, son matériel de construction, comme du ciment, est devenu inutilisable. Les stocks de ciment dépassent des millions et des millions. Je ne trouve pas quoi dire. Je suis ébahi. Tout cadre, et surtout le président de la République. Excellence, monsieur le président, je suis très fatigué, hyper fatigué. C'est pourquoi je m'adresse à vous, Excellence. Président, je n'ai autre chose à demander. Ce n'est pas propre à moi. Je vise le développement de mon pays natal. Sinon, comment allons-nous nous développer? Contacté par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro à ce propos, l'administrateur communal de Mukaza répond que cet espace a été exploité en dehors de la loi. Renova Sendaihebura dit d'ailleurs qu'une équipe de techniciens est en train d'étudier cette question afin de statuer sur le sort de cette maison en cours de construction et d'autres constructions qui s'y trouvent, s'il faut les démolir ou pas, d'autant plus qu'on les a déjà collés de signes. Merci Eli Nibel Nibigira. Et 22 personnes de la commune de Bougabira en province Kirundo sont incarcérées depuis plus d'une semaine au cachot de cette commune. Ce sont des pêcheurs accusés d'utiliser des filets prohibés dans cette activité. En effet, plus de 1140 moustiquaires, 85 filets et autres objets ont été incendiés ce mardi par l'administration. Les agents de la sécurité et ceux de l'Office burundais de protection de l'environnement. Abraham Safari pour plus de précisions. Ces matériels prohibés utilisés dans la pêche qui ont été incendiés ce mardi par les administratifs, la police et les agents de l'Office burundaise de la protection de l'environnement sont faits de 140 moustiquaires, 85 filets maya et 4 sems de plage. Comme le précise Diomède Manario, le responsable provincial de la protection de l'environnement et des animaux aquatiques en province de Kirundo, tous ces filets et moustiquaires ont été saisis dans le lac Chohoha, côté de la commune de Bougabira, car ce lac touche sur trois communes, à savoir Kirundo, Busoni et Bougabira. Manario Diomède fait un clin d'œil à la population et spécialement aux pêcheurs qui utilisent ces matériels prohibés qui sont en train de se détruire et détruire tout le pays. Quant à l'administrateur de la commune de Bougabira, Eric Twizelimana, il propose des enquêtes beaucoup plus approfondies, jusque même au niveau provincial, pour mettre les mains sur toutes ces personnes qui font la commercialisation des moustiquaires. Pour les personnes qui seront encore attrapées en train d'utiliser les filets prohibés dans la pêche, elles seront sévèrement sanctionnées, a-t-il insisté. Signalons que 22 personnes sont incarcérées au cachot de la commune de Bougabira il y a déjà plus d'une semaine, accusées d'avoir utilisé des filets maya et moustiquaires dans la pêche. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les frais de location des stands du marché Bujumbura City Market, dit chez Sion, n'ont pas été revus à la hausse, mais ont été adaptés aux nouveaux services offerts. Dans une conférence de presse, le commissaire du dit marché a plutôt accusé les exploitants des stands d'augmenter les frais de location à leurs sous-locataires. Joseph Dukunda a dit que les portes sont ouvertes aux commerçants qui ont des doléances à présenter. On l'écoute. Normalement, on n'a pas haussé les prix, mais on a ajusté les prix le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Alors, certains se grognent parce qu'ils ne sont pas des commerçants directs. Donc, ils sont commerçants de profession, mais ici, ils sont des sous-locataires. Donc, les gens à qui on a octroyé les stands, au lieu d'effectuer le commerce comme les commerçants, ils préfèrent faire des sous-locations. Et ces sous-locataires se grognent parce qu'ils payent un montant, disons, très exorbitant, mais qui n'entre pas dans la caisse de la société Bujumbura City Market, mais qui entre ou qui est au profit d'un commerçant qu'on a octroyé un stand en pensant qu'il est commerçant alors qu'il n'est pas commerçant. Donc, nous sommes en train de voir si on peut prendre des mesures tendant à bloquer ce genre de choses. Parle, rassure-moi. Les parents doivent comprendre et accompagner leurs enfants une fois que ces derniers se décident de se marier avec celui ou celle d'une autre ethnie. Le philosophe Théon Touyissabé, professeur d'université spécialisé en sciences du mariage et de la famille, interpelle l'enfant à faire comprendre avec patience et politesse à ses parents sa décision. Et selon ce philosophe, le mariage mixte réduit la prolifération des messages haineux puisque chacun des proches évite de dire ce qui peut paraître blessant. Ornella Mouch. Les parents doivent savoir que ce n'est plus aux temps anciens où leurs parents cherchaient des conjoints pour leurs enfants, mais qu'aujourd'hui, les enfants choisissent eux-mêmes celui ou celle qu'ils souhaitent vivre ensemble. Le philosophe Théon Touyissabé, professeur d'université en sciences de mariage et de la famille, interpelle alors les parents d'éviter de s'opposer, plutôt de comprendre. Dans les temps anciens, ce n'était pas les mariés qui se choisissaient, c'était leurs parents qui choisissaient les conjoints. Autrement dit, vous devriez connaître votre femme parce que votre papa vous l'a amenée. Mais actuellement, les choses ont changé. Ce sont les époux eux-mêmes qui se choisissent. Et ils se choisissent par amour. Ça veut dire qu'un homme peut aimer une fille et par leur amour, ils peuvent décider de vivre ensemble. Leur décision n'engage que eux. Et les parents alors sont invités à adhérer au choix de leurs enfants, à ne pas les contraindre à se séparer, alors qu'eux, ils croient qu'ils seraient mieux ensemble. Au cas de la désapprobation des parents, les enfants doivent essayer d'apaiser les tensions en faisant convaincre à leurs parents qu'ils ont plutôt fait un bon choix du mariage. Mêmement, les enfants, et quand ils réalisent qu'il y a une résistance de leurs parents face à leur projet de mariage, et d'abord, les deux futurs époux devraient chercher à convaincre leurs parents. Je veux dire, mettre leurs parents à leur place. Les parents ont eu le temps de s'aimer, de se marier et de les mettre au monde. Maintenant, les parents doivent comprendre que c'est le tour des enfants de décider de leur destinée, à qui ils vont avancer dans la vie. Et alors, les enfants doivent prendre l'effort de convaincre aux parents qu'ils doivent les laisser grandir dans leur choix. Et quand on épouse une personne, ça dépend de comment vous allez gérer votre union d'amour. Les couples qui ont des difficultés, ce n'est pas dû aux problèmes ethniques. Et tous les couples ont des problèmes, même s'ils sont de même ethnie. Ils trouvent plutôt qu'un mariage mixte contribue à la limitation des messages haineux. Quand une personne épouse une autre de l'autre ethnie, et si vous allez leur rendre visite, vous allez vous rendre compte que vous ne rendez pas visite à une personne. Vous rendez visite à deux personnes qui sont mises ensemble et qui ont combiné les deux ethnies. Alors, il faut savoir soigner le langage. Parce que si vous considérez un des conjoints comme étant membre de votre clan, votre ethnie, vous risquez de vous tromper parce qu'il s'est déjà mélangé avec l'autre. À ce moment, vous risquez de vous retrouver ridicule en avançant des théories que lui a déjà dépassées. Vous savez, avant de se marier, les femmes ou tous les hommes qui ne sont pas encore mariés, ils ont des langages, j'allais dire de la rue, vulgaire. Mais quand vous vous mettez ensemble avec une personne, au fil du temps, vous vous corrigez, jusqu'à émettre aux mêmes ondes, jusqu'à ce que vous parlez au même langage. Il y en a même qui disaient qu'à la longue, les mariés finissent par se ressembler. On ne se ressemble pas seulement au niveau du visage, mais aussi au niveau des idées, mais aussi au niveau du langage. C'était la chronique sur les messages de haine. La scolarisation de la petite enfance au Burundi est de loin atteinte. Cela ressort du rapport portant sur l'évaluation de la réforme de l'enseignement fondamental au Burundi pour la période allant de 2013 à 2019. Ce rapport montre également que l'accès à l'enseignement des métiers reste faible malgré certaines avancées. Jean Dodieu, il a causé. L'objectif de la réforme a été de permettre à l'ensemble des enfants du Burundi d'avoir accès à l'éducation et une scolarisation plus longue, leur permettant de disposer de capacités adéquates pour leur future participation citoyenne au développement du pays, rappelle ce rapport sur l'évaluation formative de la réforme de l'enseignement fondamental au Burundi. L'accès des enfants aux préscolaires au Burundi a énormément régressé en 2019 par rapport à l'année de référence 2010-2011. Malgré l'importance de préscolarisation pour l'atteinte des objectifs de développement durable, souligne ce rapport. Le pourcentage d'enfants dans le préscolaire est passé de 66% en 2010-2011 à 13,54% en 2019. Taux largement en deçà de la valeur cible qui avait été fixée à 86% pour l'année 2020, poursuit ce rapport. Selon toujours ce rapport, le nombre d'apprenants dans les centres d'enseignement de métiers s'est accru entre l'année de base 2010 et l'année 2019. Il est passé de plus de 4 000 apprenants à peu près 10 000 apprenants entre les deux années. Cependant, la valeur atteinte par cet indicateur en 2019 est en descente de l'objectif de plus de 16 000 apprenants qui avait été fixé au préalable pour l'année 2020. Le nombre d'apprenants dans la formation professionnelle a quant à lui baissé entre 2010 et 2019. Pourtant, il était souhaité que la valeur de cet indicateur continue de croître selon toujours ce rapport. Ce rapport précise également des besoins en salle de classe pour l'apprentissage ainsi que 4. Pour l'année scolaire 2018-2019, le ratio élève salle de classe s'est élevé à 42 pour l'ensemble du pays, ce qui constitue selon ce rapport, à niveau plutôt acceptable pour les conditions d'apprentissage. Toutefois, cette moyenne nationale cache des disparités provinciales. En effet, Bujumbura Mairie vient en tête avec près de 74, Bujumbura suit avec 54, Cibitoke en troisième position avec près de 48 et Bubanza en quatrième position avec près de 46 élèves par salle de classe. Merci Jean de Dieu. Irakoze et certains habitants de la province de Bujumbura déplorent l'état de la voirie dans cette province. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters indiquent qu'ils ont de la peine à se déplacer comme ceux des autres provinces, ce qui handicape le développement de cette entité administrative. Ils demandent la réhabilitation des routes reliant les communes de cette province, sans oublier celles qui mènent vers le chef-lieu de cette province. Évariste Nzikobanyanga. Les conducteurs des engins qui assurent le transport et les biens dans la province de Bujumbura ainsi que certains habitants de cette province déplorent l'état des routes passant dans cette province. Ceux qui résident près de la route Vengarushuvi menant vers le chef-lieu de cette province ont indiqué à la radio Sanganiro que cette dernière ne devrait pas être comme elle est à l'état actuel. Cette route, c'est vraiment triste de la voir dans cet état. Quand il pleut, les ondes de ruissellement passent par cette route, détruisant même les champs agricoles. C'est une route qui ne devrait pas être ainsi. Elle est totalement délabrée. Et les eaux de ruissellement provoquent l'érosion du sol. Ils ajoutent que le développement sans route dans leur province est quasiment impossible et crient à la réhabilitation de la voirie en commençant par la route qui mène vers Rushuvi, le chef-lieu de leur province. Parmi ces routes que les véhicules n'empruntent plus figure la RN1 dénommée Astrida et certaines reliant les zones et les communes. En commune Kanyosha, c'est le pire. Pour accéder à l'aide d'un véhicule dans les trois zones, à savoir Mouira, Ruyaga et Kienzi, l'on doit redescendre à mairie de Bujumbura. Évariste Nzikobanyanga. Et en réponse, le gouvernement de la province de Bujumbura reconnaît que l'état des routes qui mènent au chef-lieu de la province sont dans un état lamentable. Il fait savoir qu'il y a espoir de réhabiliter ces routes dans un avenir proche. Saint-Guillaume Vadésiré dit que l'agence routière du Burundi, ARB, a été contactée pour la réhabilitation des routes reliant différentes zones des communes Kanyosha. Suivez-le. Nous avons deux routes qui mènent à la province. Nous avons d'abord la route qui prend jonction sur RN1. Par là, de la RN1 vers la province, nous avons 11 km. Dans ces jours, nous avons l'espoir que la direction en charge des routes, ARB, est en train de se préparer en guise de charger cette route. Et par là, nous espérons que la route serait praticable facilement. Sinon, nous avons une autre route qui passe non loin de la province. C'est la route souvent dite Asrida, qui prend jonction sur le campus Kiriri, là, vers Bugarama, c'est autour de 43 km. Si cette route serait vraiment praticable, ça serait très important pour la province de Bujumbura. Dans ces jours, on est en train de faire de nos mieux, de faciliter le passage de cette route à Asrida du campus vers la province de Bujumbura. Là où nous sommes en contact avec la direction en charge des routes, là où on nous a promis des buses, des gabions, en guise de réparer provisoirement, de permettre le passage dans cette route. Sinon, nous avons la commune Kanyosha qui a un problème d'accès, puisque la commune Kanyosha dispose de trois zones. En quittant la commune, nécessairement, on doit passer par la ville de Bujumbura tout en allant dans une autre zone. Et cela est dit par le glissement du terrain d'une part, et d'une autre part, ça est dit par la destruction du pont. Et par là, nous sommes déjà en contact avec le ministère, surtout la direction en charge des routes, pour qu'ils puissent essayer de nous aider quant à la réhabilitation de ces routes qui mènent vers la commune pour que on puisse faire l'accès à toutes les zones de la commune. C'était le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Nsengiyumva, qui était au micro de Charles Makoto. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.